diriez-vous il y a une différence? Rappelez-moi d'abord comment on dit il y a. C'è. C'è, tout à fait. Ça s'écrit C apostrophe E accent grave. C'è, il y a. En fait, c'est la contraction de ci è. Vous vous souvenez probablement que ci veut dire là ou i, comme dans andarci, y aller. Donc, c'è, c'est il y a, quand on parle d'une seule chose. Dans notre exemple, il y a une différence. Il n'y a qu'une seule chose, une différence. Alors? C'è una differenza. C'è una differenza. Ensuite, nous avons les mots italiens en ma, m-a, comme problema. Bien qu'il se termine en a, c'est un mot masculin et non pas féminin. Il est précédé de il ou de un, l'équivalent de un en français, et non pas de la ou de una. Un problème, c'est un problema. Et il y a un problème? C'è un problema. C'è un problema, c'est ça. À votre avis, comment dit-on le système? Il sistema? Il sistema, oui. La plupart des mots qui en français se terminent en ION donnent en italien ione, I-O-N-E, ione. Par exemple, condition se dit condizione, condizione. Tous ces mots en ION, et il y en a beaucoup, sont féminins en italien, c'est-à-dire qu'ils sont précédés de la. Comment dites-vous la condition, par exemple? La condizione. La condizione. Et la position? La posizione. La posizione. Et la situation? La situazione. La situazione. Il y a un mot en ion qui en italien se dit différemment. Il s'agit de réservation, qui se dit prenotazione. Prenotazione. Le pré suggère qu'on fait la chose à l'avance, qu'on s'inscrit ou qu'on note son nom à l'avance en quelque sorte. Prenotare, c'est réserver. Voilà, prenotare. Alors, comment diriez-vous « je vais faire une réservation pour vous » Prenoto. Je vais faire une réservation et non pas je vais réserver. Ah, d'accord. Farò. Bien. Farò une réservation pour vous. Farò una prenotazione per lei. Bien. Farò una prenotazione per lei. Et maintenant, vous allez dire pouvez-vous faire une réservation pour moi? Può fare. Oui, une réservation pour moi. Una. Pre. Prenotazione. Pour moi. Per me. Bien. Può fare una prenotazione per me? Il y a encore un autre mot en ion, ION, qui se traduit un peu différemment en italien. C'est le mot confirmation. Au lieu de confirmazione, on dit simplement conferma. Conferma. C-O-N-F-E-R-M-A. La conferma, c'est la confirmation. Alors, comment diriez-vous avez-vous la confirmation de la réservation? En commençant par avez-vous la confirmation? Ah, est-ce que c'est il conferma parce que le mot se termine en ma? Non, c'est la conferma. D'accord. Ah, La... C'était une bonne question, parce que je venais de vous dire qu'avec un mot en « ma » comme problème, on utilise « il ». Mais ici, ce n'est pas le cas parce que « conferma », c'est pas le mot d'origine. D'accord. Ah oui, je vois, c'est une contraction. Oui, « confermazione », qui était féminin, a donné « conferma ». D'accord. « A la conferma ».« Conferma ».« A la conferma ». La confirmation de la réservation. « De », dans ce cas, se traduit par « di », « di », sauf que pour traduire « de là », il y a une petite particularité, à savoir que « di là » se contracte en un seul mot, « della », « de », « de l », « a ». Donc, dites-moi de la réservation. Vous pouvez me redonner toute la phrase ? Avez-vous la confirmation de la réservation ? D'accord. A la conferma della prenotazione ? C'est ça. A la conferma della prenotazione. Et comment diriez-vous, il y a un problème avec la réservation ? Rappelez-moi comment on dit il y a. C'è. Oui, c'est ça. Maintenant, la phrase en entier. Il y a un problème avec la réservation. C'è un problema con la prenotazione. C'è un problema con la prenotazione. Bien. Voyons maintenant un autre mot. C'est le mot vacances, qui se dit vacanza. La vacanza. Ça s'écrit ZA à la fin. Ce n'est pas un C comme en français, mais un Z qui se prononce T, vacanza. On peut aussi employer le pluriel en italien, comme en français. Les vacances, les vacanze. Et passer, par exemple, quand on parle du temps, c'est passare. P-A-2-S-A-R-E. Passare. Et donc, passare il tempo équivaudrait à passer le temps. Comment diriez-vous « passer les vacances » ? Passare le vacanze. Passare le vacanze. Demandez « où allez-vous passer les vacances ?» Dove. Attention à l'accentuation. Si vous insistez sur le « est », vous dites « ouais » et non pas simplement « où ». Dove. Oui. Allez-vous passer les vacances ? Passera? Très bien. Dove passera le vacanze? Pas dove, mais... Dove. Dove. Bien. Dove passera le vacanze? Oui. Dove passera, parce que passare donne passera. Dove passera le vacanze? Mais au lieu de passera, dove passera, on peut dire aussi dove... Et le présent. Voilà, le présent. Ce qui donne... Passa. Ce n'est qu'au futur qu'on insiste sur la fin du mot. Ah oui. Passa. Dove passa la vacanza. Dove passa le vacanze. Dove passa le vacanze. En fait, parce que avec passare, on emploie toujours le pluriel, les vacanze. Dove passa le vacanze? C'est ça. Rappelle-moi comment on dit ce soir. Stasera. Oui, c'est ça. Et donc, comment dit-on soir? Sera. Sera. Et demain soir? Domani sera. Domani sera. Domani sera. Matin se dit? Mattina. Mattina. Et demain matin? Domani mattina. Domani mattina. Comment dit-on après-midi? Pomeriggio. Pomeriggio, pomeriggio. Et donc, demain après-midi? Domani pomeriggio. Domani pomeriggio.